Le tech. Allez. Bon, remets ton t-shirt. Vas-y, Oula, ouais, bonsoir. Ouais, c'est bien, vous êtes 5. Ouais, que des mecs. Ton pote, il a pas de t-shirt là. On met ton t-shirt. Lui, il a un t-shirt Ricard. Il est pas très bien coiffé non plus. Puis vous êtes tout bourré là. Ouais, c'est bon, ok. Peine de briller, le coco-collant est à l'arrêt, boulet de canon scié, parole vodka et canapé, la lune peut bien te draguer, avec ses clins d'œil fatigués, t'es dans la file d'attente, trou noir habité, j'ai pris l'autoroute du sommeil, réservoir plein, paillet carte bleue dans le creux de mes mains, sans entrain, sans temps, sans capote, et sans gants, bon son dans l'oreille, et seconde en suspens, voir la vie se masturber comme un semblant de réalité, s'émanciper, se récolter, s'évaporer, se digérer, voir la nuit se dégueuler comme un semblant d'identité, ensuite vouloir la peau de ceux qui l'avaient décidé, la mort au bord des lèvres, décollement de la plèbe, une virée synthétique à bord d'un ferry en grève, chercher une trêve sur le front de nos rêves, dégonfler cette bulle de plastique avant qu'elle ne crève. Tous bourrés, virés de la boîte, mes yeux saignent, il est 10h du mat, et le soleil me traverse de part en part, champagne et néon. Appelle tes potes, c'est l'art de la débauche. Enfile ton Marcel tes potes. On harcèle tes proches, on vit tes poches. Une vie de gosse, un cri de gosse. Et tout le monde osera dire ces jeunes ont pris des drogues. On martèle des cloches, on dit des clopes et guise les crocs. Si t'écroches, quitte mes potes. Et tout le clan a mis ses bottes. On te dit les choses, on défie les forces. On écrit les tomes de notre histoire et nos pics dégorgent. On se met des tôles, toute l'équipe décolle. La prise est bonne, on maîtrise les chromes, électrise les bras. On déprise bobonne, limite gogol. Tous bourrés, pourtant on débute les phrases. On défonce les portes closes de l'alcool à porte d'os. Courte pause, on fait le taf qui t'es propre. T'as mis tes grolles, allez, on retourne ton pas. C'est un pour ta poire et deux pour combler cette vie d'énorme. Tous bourrés, virés de la boîte, mes yeux saignent.